Bonjour. Bon, David Lévesque, la vidéo complète est sur Odyssée, mais il a publié, je pense qu'il a pris, il a coupé une partie. Puis sur sa chaîne, il a publié la vidéo, mais pas complète. Donc peut-être, je regardais les commentaires, puis certains retours, puis il y en a peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il manque des bouts, là. J'ai pas écouté ni une version ni l'autre. Mais au niveau des commentaires, bon, il semblerait qu'il y ait des petites incompréhensions, là, parce qu'on interprète pour m'attribuer des propos que je n'ai jamais dit ça. Comme par exemple, quand je parlais par rapport à quelqu'un qui n'est pas fonctionnel, puis qui irait jusqu'à se chier dessus, je parlais par rapport au témoignage de Monsieur Jean-Luc, là. Je parlais pas des schizophrènes en général, là. Mais je retrouve pas le commentaire, je l'ai vu hier. Puis, bon. Ah, les schizophrènes ont droit au respect. J'ai jamais dit le contraire. Il y a des gens qui sont pas capables d'avoir la faculté d'analyse, de voir le contexte de ce qui est dit, puis qui interprète. Puis c'est une des raisons pourquoi j'aime pas beaucoup le public au large, là, en général, parce que des fois, il y a des interprétations par rapport à ce qui est dit qui sont totalement erronées. Les gens comprennent n'importe quoi, puis ils interprètent. Puis bon. Mais là, ça peut arriver, là. Le problème avec le monde, c'est que, bon, des fois, ils ont une certaine une petite émotivité à fleur de peau, là, puis là, ils accrochent sur des mots. Puis après, ils interprètent n'importe quoi. Là, si je regarde les commentaires, dans les commentaires, il y a d'autres petites affaires qui m'avaient, me semble, interpellé. Il dit, ah, il y en a un, monsieur, c'est une dame, Françoise Campeau, qui me dit: Berthold, dans une de vos vidéos, vous dites que vous n'aimez pas le milieu du supramental. Ben, c'est sûr que j'aime, comme tous les milieux liés à l'ésotérisme puis aux spiritualités naïves, gnagnas, là. Et aussi que Bernard de Montréal a dit beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Pas nécessairement qui n'ont pas de sens, mais avec le recul, disons qu'il y a des choses discutables. Ce que j'ai éprouvé également en écoutant ses conférences, moi, mais dès là, c'est différent pour chacun, là. Là, elle dit, moi-même, à la fréquentation de personnes se disant dans le supramental, j'ai eu des déceptions. Vous savez, moi, j'ai jamais eu de déception en côtoyant des gens dans le supramental parce que j'avais pas d'attente. Puis, bon, moi, c'est pas long, là. Disons, je côtoie pas longtemps. En tout cas, j'ai eu des déceptions. Je ne trouve pas ce qu'ils disent toujours intelligent. Bon, à qui le dites-vous? Parfois même, c'est carrément niais. Ouais. Et de plus, ben, faut comprendre qu'il y en a qui en vivent, puis qui ratissent large une clientèle, puis qu'il y a beaucoup de niais dans le public au large. Donc, bon. Puis là, il me rajoute, et de plus, c'est devenu un commerce juteux, comme par exemple pour, là, il nomme une dame, là, qui propose des formations à 500 euros, à dollars canadiens ou 400 euros, et des séances questions-réponses environ 136 euros. J'ai assisté à une de ces séances et j'ai été étonné de la naïveté des participants, c'est sûr, qui englobe tout et n'importe quoi, comme l'affaire des sept aleph, qui sont en fait une notion de la théosophie d'Alice Bailey. Quel est votre positionnement là-dessus? J'en ai parlé souvent de ça. J'en ai parlé souvent. Ben, c'est de l'ésotérisme de ma tante, là, gnagnan. C'est du pop ésotérisme de stupidité, comme justement la théosophie Blavatsky, Alice Bailey, Bazin et compagnie. Puis des fois, ça va ratisser jusque dans l'anthroposophie de Steiner. Puis des fois, bon, aussi des petites notions qui viennent de Gurdjieff, puis des choses. Que, bon, une fois dans le grand public, puis même des fois avant d'être dans le grand public, c'était deux jours. Puis c'est quoi mon positionnement là-dessus? Bien, souvent, ça, c'est la version occidentalisée de certaines formes d'ésotérisme qui viennent du Moyen-Orient, puis qui ont été mal interprétées. Puis bon, c'est un commerce. C'est un commerce. Moi, le principe de l'aleph, je l'étudie avec une érudit. Donc, à mes yeux, il n'y a pas cet aleph. L'aleph étant un principe de multitude dans l'unité. C'est pourquoi on disait que l'alphabet, que aleph, la première lettre, contenait tout l'alphabet. J'ai jamais embarqué là-dedans l'histoire de cet aleph. Puis, je trouve que ça n'a pas rapport. C'est des formes qu'on prend parce que c'est vendeur. Ça fait ésotérique, ça fait occulte. Mais, ben franchement, là, moi je suis pas un occultiste, puis ça m'attire pas vraiment. Mais le principe de l'alif, pour l'avoir étudié avec des gens qui étaient réellement des héritiers des vraies traditions, de certaines traditions, là, j'ai jamais embarqué là-dedans à faire des sept alifs, là. Il ne peut pas en avoir sept. Il peut avoir un seul alif, c'est un principe d'unité. Quel est votre positionnement là-dessus? Bon, ben, vous savez, la dame dont vous parlez, moi, je ne l'ai jamais considérée comme supramentale. Même alors, là, pas du tout. D'ailleurs, bon, tous ceux qui en font un commerce, un petit peu de misère. BDM était-il un escroc génial nous servant de vieilles notions ésotériques gnostiques? Faut comprendre que Bernard de Montréal a évolué dans un milieu où il y avait des effets de mode, puis qui s'adressait à un public au large. Donc, des fois, il est obligé de parler leur langage. Puis, il y a eu des influences. C'était pas quelqu'un de parfaitement imperméable. Il y a eu une librairie Bernard de Montréal, même Bernard Boucher, dans sa vie. Donc, bon. En tout cas, un ressuscité. Ressuscité ou un réel initié. C'est quoi un réel initié? Je vais être franc avec vous, moi, à mes yeux. Un initié, c'est quelqu'un qu'au niveau de son expérimental, qui a intégré du réel parce qu'il n'a pas eu le choix. C'est pas quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui a un savoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il sait parce que c'est comme ça. Donc, moi, j'ai pas la notion initiatique de ce qu'est un initié. Un initié, habituellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui est moins naïf. C'est ça, à mes yeux, un initié. Donc, bon. Est-ce que Bernard de Montréal est un réel initié? Oui. Semble-t-il, en grande partie, là. Mais là, au niveau d'une idée de connaissance initiatique, non. Puis, à mes yeux, la connaissance initiatique, ça vaut pas grand-chose, bien franchement, là. Les ésotéristes, là. De toute façon, on le voit. On le voit. On en a un ésotériste au Québec, un ésotériste du Nouveau Monde. Puis personnellement, sans vouloir être méchant, je l'ai tout le temps trouvé un peu niais, comme vous dites. Donc, et qu'est-ce qu'un initié? Ben, je pense que je viens de le dire. Et aussi, est-ce que l'utilisation du mot science du supramental n'est pas une escroquerie intellectuelle? Non, parce qu'il y a une réelle recherche, puis il y a réellement eu des découvertes. C'est un petit peu même, prenez la psychanalyse ou les freudiens, je considère que c'est un petit peu sectaire, puis que c'est idéologisé, puis, mais il reste qu'il y a eu des découvertes. Puis qu'il y a un processus aussi empirique, expérimental. C'est à ce niveau-là que je considère que oui, on peut parler pareil de science, parce que c'est réellement des chercheurs, dans le fond, certains. Puis oui, il y a des choses qui ont été découvertes, dans le sens, il y a ça, puis par l'expérimentation, par rapport à certains phénomènes psychiques. Mais c'est quelque chose qui est naissant. C'est quelque chose qui est nouveau. Capter de l'intelligence qui vient d'au-delà de l'intellect, c'est des phénomènes psychiques auxquels l'humanité a tout le temps eu des gens confrontés à ça, mais ça n'a jamais été étudié en dehors des structures philosophico-spirituelles d'une façon froide. Donc, moi, oui, je ne considère pas que c'est une escroquerie intellectuelle de dire science, mais ça dépend de quoi on parle. Ça dépend des fois de qui on parle par rapport aux gens qui œuvrent dans ce milieu-là. Comme je. Bon, en tout cas, je ne m'entends pas nommer le monde, là. Même au niveau du positif. Il y en avait un autre commentaire qui m'avait interpellé, puis je le vois pas. Donc, bon. Non, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose d'autre, là, puis j'ai pas l'intention de faire de montage. Donc, ah bon, il y a quelqu'un qui met un extrait, qui met une ligne, un extrait qui dit, par contre, si la personne est en psychose, elle est en souffrance psychique constamment, elle peut souffrir de paranoïa, de persécution, de délire de sauveur. Par rapport à Bernard de Montréal, ça correspond pas à mes yeux comme profil. Puis là, je fais un disclaimer, je suis pas psychiatre, parce qu'on vit à une époque où on peut pas dire que la Terre est en bas puis le ciel est en haut si on n'est pas géologue ou astronome, hein? Donc, j'ai pas le choix de dire que je suis pas psychiatre, mais il reste que ça correspond pas au profil de Bernard de Montréal, qui était quelqu'un de fonctionnel, qui a notamment possédé des commerces, qui a eu une vie, somme toute, normale. Puis des schizophrènes paranoïdes, par exemple, j'en ai connu. Puis c'est des gens que il y a tout le temps des phases dans leur vie où ils ne seront pas fonctionnels du tout. Puis ça correspond pas ça correspond pas au profil de Bernard Boucher. Prenez par exemple, vous parlez comme la paranoïa, la persécution, les délires de persécution. Bernard de Montréal, par exemple, a beaucoup voyagé, notamment au Pérou, au Mexique, en Haïti. Les schizophrènes paranoïdes, paranoïaques, sont pas portés à faire des voyages comme ça, puis à avoir une vie aussi active qu'il a eu, notamment avec toutes sortes de gens. C'est une des choses, par exemple, dans ce milieu-là, je vais être très prompt à trier des gens, puis plus que le trois quarts du monde qui côtoie ce milieu-là ne m'intéresse pas, puis je les considère comme des paquets de troubles. Puis c'est pas parce qu'ils sont schizophrènes, là. C'est tout simplement parce que c'est souvent des personnalités instables. Les gens les plus intéressants que j'ai côtoyés dans ce milieu-là, par exemple, souvent c'était des gens qui étaient quand même assez froids, très fonctionnels. Puis souvent même des gens qui jouaient à la bourse. Puis c'est pas long qu'au niveau de l'intuition, puis bon, quand vous placez de l'argent là, à des coûts de 3 000 puis de 5 000 pièces, ça peut être lourd de conséquences à la fin de l'année. Ça fait des gens, au niveau de leur expérimental, qui n'ont pas le choix de développer un discernement très rapidement. Puis ça forge les nerfs aussi. Mais il y a d'autres types de personnes dans ce milieu-là, souvent même des dames, là, que personnellement, je côtoie pas vraiment grand monde là, de ce milieu-là. Mais alors là, pas du tout. Mais bon, comme il y en a une qui m'avait été rapportée, qu'elle avait dit qu'elle me traitait de fou dans mon dos. Mais bon, il ne viendra pas à l'idée que peut-être que c'était voulu qu'elle pense ça de moi, parce que tout simplement, je ne voulais pas avoir affaire à elle. Mais des fois, on n'a pas le choix d'agir d'une certaine façon, parce que c'est au niveau du résultat. Hein? Parce qu'à un moment donné, ça vient de perdre de temps. Comme la personne qui interprétait mon propos, comme si je manquais de respect aux schizophrènes, faut vraiment pas comprendre le contexte de ce que je dis, puis manquer de discernement. Puis avoir des échanges avec des gens comme ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'ils voient jamais de quoi on parle. On dit quelque chose, puis ils comprennent d'autres choses. Donc, du monde de même, j'essaie de pas en côtoyer. Pas parce que je les méprise ou quoi que ce soit, mais pour des raisons techniques. À un moment donné, on vient tanner. On vient tanner, puis bon. Donc, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Mais il reste que c'est une majorité de gens dans notre société qui n'ont aucun discernement. Moi, souvent, je vais lire des gens ils ont découvert ça récemment, ces notions-là. Puis bon, moi, ça fait longtemps, dans le sens que, bon, j'avais 7 ans, puis mon père parlait de ça. Puis sa mère parlait de ça. Puis bon. Donc très tôt, disons, je me suis fait les dents. C'est pour ça que Bernard de Montréal, pour moi, c'est pas une icône. Puis je prends pas pour du cash tout ce qu'il dit. C'était un homme. C'était un être humain qui avait ses défauts. Est-ce que c'était un escroc? Bon. Il y avait un certain intérêt d'ordre pécuniaire. Ça, on peut pas le nier. Puis bon. Mais il reste qu'on ne peut pas tout ramener juste à ça. Parce qu'il y a d'autres aspects, qu'il y avait une certaine sincérité, c'est évident. Puis aussi amener des notions que même des psychologues, même la psychologie clinique contemporaine n'effleure même pas. Donc, bon. Mais l'important, c'est votre propre discernement, d'en prendre, d'en laisser. Personnellement, bon, le lien que j'ai avec ça, j'ai jamais demandé une scène, j'ai jamais fait une scène avec ça. Puis là, pour les Français qui nous écoutent, une scène, c'est québécois, ça veut dire un sou. J'ai jamais fait d'argent avec ça. Puis c'est pas là mon intérêt, c'est par rapport justement au niveau de l'intégration puis de la recherche, ça prend un certain échange avec des gens. Comme Bernard de Montréal, justement, il disait, on peut pas être intelligent tout seul. Mais c'est parce qu'une fois qu'on le comprend, c'est quoi le principe d'intelligence? L'intelligence, c'est collectif. La conscience, c'est individuel, mais l'intelligence, c'est collectif. Puis, on ne peut pas se faire une conscience en circuit fermé, ben, sans qu'il y ait un principe collectif d'intelligence. C'est-à-dire que au niveau de l'intégration, ben, l'être humain est un animal social. Puis des fois, ben, ça prend de l'échange. Puis ça peut être un catalyseur de d'autres choses, de d'autres phénomènes. Puis au niveau d'une recherche par rapport au psychisme, on ne peut pas faire ça en circuit fermé. Ce serait trop subjectif. On n'a pas le choix d'échanger. Puis, mais il reste que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de désagréments. Parce que, comme par exemple avec YouTube, il y a toutes sortes de monde qui m'écoute. Puis c'est très, je veux dire, c'est ouvert, c'est public. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent de découvrir ça. C'est pas tout à fait intégré. Il y a des principes que c'est pas vu. Parce qu'on ne peut même pas parler de compréhension. C'est vraiment une question de vue, de paradigme, de certaines choses. Puis souvent, bon, ça devient fatigant parce qu'on se bute à de l'incompréhension, de la mésinterprétation. Ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Les gens comprennent plus ou moins, ou ils essaient de comprendre. Mais là, ce n'est pas une question de compréhension au sens intellectuel, là, certaines choses. C'est vraiment de l'expérimental empirique. Certains phénomènes, en tout cas. Puis bon, c'est pour ça aussi, c'est un milieu où il y a beaucoup, on va le dire en guillemets, là, des escrocs qui en font leur gagne-pain. Puis je me suis tout le temps dissocié de ces gens-là. Mais je vais avoir quand même eu des échanges avec des gens de ce milieu-là qui étaient là depuis longtemps, comme Sergio Poirier, qui est aujourd'hui décédé. Mais maintenant qu'il est décédé, je peux le dire, Sergio Poirier, il avait une certaine naïveté sociale. Puis des fois, ben, il voyait pas d'un coup certaines personnes, il voyait pas d'un coup, là. Donc, bon, c'est par après, avec l'expérience, qu'il finissait par. Puis des fois, on était d'accord par rapport à certaines personnes, mais c'est parce qu'il l'avait expérimenté à la dure. Alors que, bon, des fois, c'est un petit peu moins long. Un petit peu moins long parce que, bon, ayant eu une vie où j'ai côtoyé beaucoup de types différents de personnes, beaucoup des milieux très différents, des gens souvent très marginaux, bon, ben, à un moment donné, on le sent. On le sent, puis on le sait, puis c'est moins long, puis je suis pas patient. Donc, moi, c'est pas long, hein. Puis, des fois, bon, c'est sûr, je vais manquer un peu de diplomatie. Je pense être dans ce milieu-là peut-être le plus détestable. Le plus détestable. Ça fait pas de moi quelqu'un de malhonnête, mais je pense être psychologiquement peut-être le plus dur. Puis aussi le plus prompt à revirer de bord du monde. Ben, ce qui aide là-dedans, c'est aussi que j'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt d'ordre pécuniaire par rapport au public. Mais bon, moi, à mes yeux, je le vois comme de la marge, comme de la liberté. Je suis pas en conflit d'intérêt d'agir comme je le fais. Mais oui, c'est un milieu qui est un panier de crabes, puis qui a beaucoup de conneries. En tout cas, à mes yeux. Puis même moi, avec toutes les vidéos que j'ai faites, puis comme c'est un petit peu, on avance dans de l'inconnu. Puis on avance dans le noir, ben c'est certain que j'ai dû en dire pas mal de conneries. Mais en même temps, s'il peut m'arriver de mettre le doigt sur certaines choses, des fois, c'est un peu à cause de ce côté impétueux-là, puis aussi le fait que, bon, disons que justement, de pas trop s'en faire. Pas trop s'en faire, à un moment donné, pour exercer librement de parole, il faut pas tout le temps avoir peur que de dire est-ce que ce que je vais dire est intelligent ou pas. C'est certain que de temps à autre, on dit des conneries. Mais ça, c'est comme n'importe qui, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel domaine. Mais il reste que sinon, on n'avancerait pas. Sinon, il n'y aurait pas ça bougerait pas. Puis c'est comme n'importe quel milieu, c'est de l'inconnu. Puis bon, il y a certains aspects essais-erreurs, là. Veux, veux pas. Puis oui, Bernard de Montréal, c'est certain qu'il s'est trompé. Puis j'ai envie de dire qu'il a été trompé sur certaines choses, c'est sûr. Ça, on ne peut pas faire autrement. C'est un peu comme un pionnier. Puis oui, c'est fatigant tout le temps se référer à lui. Tellement qu'à un moment donné, je cherchais un autre glossaire, un champ lexical qui sortirait de ce milieu-là, justement parce que c'est en train de se scléroser à cause d'une espèce de culte qui est autour de cet homme-là. Puis jusqu'à un certain point, ça peut être un frein, puis c'est ankylosant. Ça devient tannant. Parce que là, plus le temps avance, plus il y a une sorte d'aura autour de Bernard de Montréal, plus c'est devenu une icône dans certains milieux, alors que faut le voir pour ce qu'il était, c'est-à-dire un être humain, avec ses qualités, ses défauts, puis aussi parce qu'il y en a, c'est devenu parole d'évangile, là. Bernard de Montréal, alors que oui, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, c'est certain. Comme pareil avec moi, puis pareil avec d'autres, puis c'est comme dans n'importe quoi, comme dans n'importe quel domaine. Comme je considère qu'au niveau de la théorie freudienne, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Pareil pour la psychologie jungienne ou d'autres écoles. Donc, bon, l'affaire, c'est pas tomber dans le piège. Dans le piège de justement de la forme, ce qui était un petit peu l'essentiel de ce que dit Bernard de Montréal, qui d'ailleurs a toujours dit au public de ne pas le croire. Puis bon, c'est pareil pour n'importe qui puis n'importe quoi, parce que c'est pas censé être de la croyance. C'est pour ça que sinon là, oui, le terme science va devenir une escroquerie intellectuelle. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses en contexte. De toute façon, comme je vous dis, la majorité des êtres humains sont extrêmement naïfs. Nous sommes naïfs. La plupart des êtres humains sont manipulables. Tout ce qui a un certain impact et une certaine popularité va être récupéré par des gens qui ont des intérêts. Parce que l'être humain est un animal social. Puis il fonctionne d'une façon hiérarchisée par transfert d'énergie, si on peut dire. Donc, ben, prenez juste au Québec, là, en ce moment, on nous parle d'une professeure de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui faisait de la maltraitance à ses élèves. Puis ben oui, puis pendant qu'on parle de ça, on parle pas du fait que l'État a usé de maltraitance envers les enfants pendant 3 ans. Avec des mesures idiotes qui ont traumatisé au niveau de leur psychologie des centaines de milliers d'enfants au Québec, qui a des retards d'apprentissage graves, c'en est ça de la maltraitance. Les gens dans les CHSLD à qui on donnait plus de vitamine D, qu'on a tout fait pour qu'ils tombent malades, pour avoir des chiffres, des justificatifs ensuite pour mettre des mesures. Le fait que c'est un gouvernement de lobbyistes, puis qu'au fond, c'est des firmes de consultants qui gouvernent, puis que c'est lié aux Américains, puis que dans le fond, on vit dans un monde totalement mensonger totalement, mais c'est l'histoire de l'humanité, ça. C'est l'histoire de l'humanité, mais il faut qu'il y ait une majorité de gens naïfs et manipulables pour que ce soit possible. Donc, c'est pareil dans le domaine du supramental. Les gens dans le public sont une majorité de gens naïfs et manipulables. Les gens qui exercent dans ce milieu-là ne sont pas tous honnêtes. Puis oui, il y a des prédateurs, là, comme la dame, là, à laquelle il est fait référence. Elle, je la considère comme dangereuse. C'est vendre des choses aussi chères pour du vide. Du vide. Oui, c'est de l'escroquerie, je suis prêt à le dire. Mais ça fait partie de la marge que j'ai, de la liberté que je m'accorde, du fait que moi, j'en ai pas d'intérêt pécuniaire. Donc, je peux me permettre de dire ça. Je vais avoir passé des années surtout à prévenir les gens, à garder leur sens critique par rapport à ce milieu-là, comme dans n'importe quoi, bien plus qu'à vendre ma soupe, comme d'autres le font. Mais il y a rien qui est parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Mais regardez juste notre société, qui est profondément irrationnelle. le fait que l'être humain est profondément irrationnel. C'est pas un être de lucidité ou de ce qu'on pourrait appeler de conscience. C'est là que ça devient intéressant, certaines approches, certaines recherches que des particuliers ont fait, puis aussi certains témoignages par rapport à certains phénomènes liés au psychisme humain. Pourquoi? Parce que il va falloir que l'être humain ait une conscience plus réelle. Ça revient à ça, entrer dans le réel, puis ça se fait pas en achetant des livres, puis en allant à des formations. Ça se fait plus souvent qu'autrement par de la souffrance expérimentale. Il va y avoir une intégration par la conscience de l'expérimental. Mais on est au début de ces choses-là. Vraiment. Parce que, bon, la conscience qui s'étudie elle-même, ce qu'on pourrait appeler une métaconscience, c'est relativement nouveau au niveau du développement de l'intellect, puis de sa capacité à capter le fait qu'il y a des structures d'intelligence au-delà de lui-même. Donc, le supramental, ça veut juste dire au-dessus du mental. C'est tout, là. Oui, ça vient par rapport à l'Inde, puis Sri Aurobindo, puis blablabla. Mais ça, c'est le côté spirituel des débuts. Mais Bernard Boucher va nous avoir amené vers quelque chose d'autre. Puis, des fois même, je pense, presque par accident, d'une façon presque fortuite des fois. Donc, moi, je parle pas de les aspects comme ce qu'il y a en Inde, là, à Auroville, puis ces affaires-là, ça m'intéresse absolument pas. C'est pas ces aspects-là. Puis j'aime pas non plus, je voudrais pas, je me dissocie de ça, là. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pareil pour le reste, là, de ce milieu-là. Moi, je fais pas partie de ce milieu-là. J'existe en parallèle, en périphérie. Donc, bon, je fais mon affaire de mon côté, comme il y en a d'autres. Ceux qui ont été les plus intéressants par rapport à ce domaine-là, c'est ceux justement qui vont avoir fait leur affaire en périphérie. Pas des gens qui agissent en secteur puis en continuateur de Bernard de Montréal comme parole d'évangile. C'est au niveau de l'expérimental, puis d'après de parler, l'expérimental, qu'on peut amener du nouveau. Sinon, on va devenir des ruminants. Comme il y en a qui sont, comme on parlait justement à Alice Bailey, puis ces choses-là qui reviennent, puis qui reviennent tout le temps. Au fond, c'est des luciférien, ces gens-là. Puis bon, c'est de la spiritualité. Moi, ce que je parle, c'est pas de la spiritualité. Ça n'a rien à voir. On nous étudions certains aspects du psychisme humain. Ça n'a rien à voir avec une doctrine, là. Prenez, par exemple, bon, j'avais quelque chose que je voulais dire, puis ça m'est reparti. Mais il reste que, bon, si on regarde par rapport à ce que je disais, là, on va se mettre à ruminer. C'est comme, par exemple, quand j'étais enfant, quand j'avais à peu près 7 ans. Mon père, bon, à un moment donné, il m'avait dit, sois créatif, crée quelque chose. Puis là, il voulait que je dise quelque chose de créatif. Puis là, je partais pour. Là, j'inventais quelque chose avec mon imagination d'enfant. Puis là, il me disait, non, c'est pas créatif, t'as juste pris tel concept, puis telle chose, puis t'es bricolé ensemble pour créer quelque chose de nouveau, mais c'est juste du bricolage, t'as mis ensemble des. Puis là, finalement, ça me portait à me questionner sur c'est quoi la réelle créativité, par exemple. Puis que c'est vrai que l'intellect humain est mécanique, puis que l'être humain est pas créé. Juste la notion qu'il y a de la créativité, c'est une notion de bricolage. Que la réelle créativité, c'est instantané. Puis que ça va tout le temps apporter quelque chose de tellement nouveau que par après, ça devient difficile à définir avec les formes qui existent déjà. C'est là où la parole devient intéressante, c'est-à-dire quelque chose qui va être un support pour voir plus loin. C'est ça, dans le fond, le réel supramental. C'est sûr que quand je vois revenir plein de notions comme les affaires des théosophes, des anthroposophes, puis toutes ces choses-là, ça m'écœure. Ça m'écœure parce que ça, c'est du ruminage. Pour ruminer puis produire un lait nourricier, il faut avoir l'appareil digestif pour. Puis l'être humain, au niveau de son intellect, il n'est pas apte à ça. C'est d'autres structures. Au-delà de l'intellect, au-delà du mental, qui sont importantes. Puis là, c'est là que devient intéressant le principe de l'esprit, le principe d'intelligence dans l'être humain, qui est au-delà de sa mémoire, c'est-à-dire comme les principes d'âme. Comme si on regarde l'âme comme un phénomène, entre autres, de mémoire, puis un phénomène magnétique, puis l'esprit plus comme un phénomène électrique. Le corps vital qui va être créé, puis qui a rapport, entre autres, à ce qu'on a appelé le mental des cellules, va être un phénomène électromagnétique. Puis on aboutit à des notions différentes du vivant, au sens du paradigme, la façon qu'on a de voir ça. Les vieilles choses s'éclairent d'une lumière réellement nouvelle, puis il y a des vieilles structures sclérosées qui, comme ça, peuvent être détruites. C'est là où ça devient intéressant. Prenez par exemple comme les Chinois vont parler l'esprit, ils ont un mot pour ça qui est shen. Mais shen, c'est pas l'esprit au sens où on le parle dans nos notions comme par exemple dans le langage du supramental, ça va se rapporter plus à ce qu'on pourrait appeler le mental, comme il a été défini dans les premiers qui ont parlé de ces choses-là. Alors, c'est quoi le mental? Entre autres, c'est l'intellect. Par exemple, c'est quoi l'ego? L'ego en tant que entité, qui va être une individualisation de l'intelligence, qui, elle, est un principe qui n'est pas individuel, mais la conscience, oui. C'est là où on tombe dans des notions où tout devient beaucoup plus clair, puis certains termes qui se sont perdus dans les bouts de l'occultisme, dans les bouts de l'ésotérisme, dans les bouts de la spiritualité, de la religion, même de la théorisation psychanalytique, puis même comme la psychologie analytique de Jung, puis tout devient beaucoup plus clair. Puis on peut finalement en parler réellement d'une façon empirique, puis parler d'expérimentation empirique avec ces notions-là, ces phénomènes-là. Donc oui, là, on peut parler d'une science expérimentale. Expérimentale, c'est un peu expérimentation du mental. Mais le mental ne peut pas se voir lui-même de l'intérieur. Il va falloir qu'il y ait une étude des autres structures. L'être humain n'est pas qu'intellectuel. Parce que si on considère juste l'intellect mécanique humain, ça ne tient pas compte de tous les phénomènes observés, d'où l'importance justement de l'observation dont on parle tellement. Au fond, moi, mon but, c'est toujours de voir plus loin, de voir plus loin, puis d'aboutir à du nouveau. Pas de faire de l'argent, puis de vendre des formations, puis des affaires de même. Puis, s'il n'est pas surprenant de voir chez les gens qui vendent des formations, des choses comme ça, une absence de créativité réelle, justement, qui les force à aller rechercher des vieilles formes à la mode pour ratisser large une clientèle. C'est pour ça que j'aime bien mieux, j'aime beaucoup mieux être un marginal peu connu qui reste dans l'ombre. Parce que comme ça, si on pourrait dire, la recherche dans ces domaines-là, qui sont extrêmement peu connus dans le fond, qui sont marginaux, ça, la recherche va beaucoup plus vite. Puis je vais avoir intégré beaucoup plus comme ça. Qu'en étant obligé de maintenir une image pour une clientèle, puis de me soucier de ce que le public pense de moi, le fait d'en avoir absolument rien à foutre de ce qu'on pense de moi, c'est de la liberté, c'est une marge. C'est une liberté qui me permet justement d'avoir beaucoup plus de possibilités. Comme ça, j'ai pas à justement me scléroser dans aucune forme. J'ai pas à me soucier de perdre une clientèle, par exemple. On vient qu'on s'en fout, Puis justement, c'est très bien parce qu'il n'est pas là l'intérêt. Il ne devrait jamais être là. Par contre, des fois, c'est vrai que ça me tente. Je me dis, bon, ben, je pourrais en parallèle à ça jouer le jeu de la personnalité plus publique. Je pourrais ressortir tout ce que j'ai pu faire de musique expérimentale dans le temps que j'étudiais les théories de musique scientifique de Jean-Philippe Rameau, puis faire des vidéoclips, puis me vendre comme un personnage, un peu comme l'oiseau moqueur là, qui tripait sur Poppy, là. Sauf que ce serait d'un style bien différent. Puis peut-être même que je pourrais finir par être considéré comme ce que je déteste au fond, c'est-à-dire un artiste. Pas dans le sens que j'haïs les artistes, mais disons que la majorité des artistes qu'on a, puis qu'on a toujours eu, j'ai pas beaucoup d'affection pour ça. Mais il reste que oui, je pourrais me vendre comme un artiste, puis peut-être que j'en tirerais un revenu, tant qu'à être une personnalité qui parle à un public. Mais possiblement que si je faisais ça, puis que je m'amusais avec de la musique que j'ai fait, puis à faire des montages vidéo, puis à vendre un personnage, ça m'enlèverait de la liberté puis de la marge pour continuer à parler librement comme je le fais là. Que je pourrais moins m'en permettre des choses. Prenez les débats qu'il y a récemment. Regardez à quel point au niveau des gens qui s'adressent au public, à quel point c'est des gens qui sont ça vole pas haut, là. On n'a pas affaire à une élite intellectuelle extraordinaire. Prenez juste le millionnaire Guy Lepage qui est parti de Twitter parce qu'il veut pas payer pour son crochet bleu, puis il dit que c'est une question de principe, puis de toute façon, tous les morons sont sur Twitter, puis qu'il s'en va, puis il laissait les gens avec l'ali de l'humanité. C'est difficile d'imaginer un personnage plus arrogant, plus. J'ai pas envie. Le fait que, bon, je peux des fois être antipathique, c'est lié à une certaine honnêteté, une certaine franchise, qui est liée à une certaine démarche. C'est pas de l'arrogance d'orgueil que d'artiste qui se pense l'élite de l'humanité. Puis je pense pas de toute façon que je deviendrai comme ça, mais juste regarder ses collaborateurs. Comme quand il y a eu la polémique là, sur les drag queens, que je considère comme une diversion pour détourner l'attention, entre autres, pour des raisons comme je parlais plus tôt, là, la vitamine D qui était enlevée dans les CHSLD, puis ce que je considère comme la maltraitance qu'ont subi les enfants pendant plusieurs années, c'est long pour un enfant, un an. Ça a un impact sur son développement. Bon, ben là, il y a eu la polémique sur les drag queens, puis un des collaborateurs de Guy Lepage, le MC Gilles, là, je pense qu'il s'appelle Dave Ouellette, qui est un personnage, à mes yeux, tout aussi détestable, qui venait nous expliquer ben, que quand il était enfant, il avait connu les disques là, de Gilda, Jean Gilda, puis ça ne l'avait pas traumatisé, puis tout. Regardez comment ces gens-là, dans leur stratégie de communication, sont ridicules ou ignorants. Par Jean Gilda, quoi, Jean Gilda, l'homme qui avait adopté un enfant, puis qu'on a appris plus tard qu'il couchait avec, là. C'est de lui, M. Ouellette, que vous parlez comme un exemple que c'était pas malsain, finalement, puis. C'est bien dommage, mais je veux dire, les gens qui s'expriment publiquement dans nos médias, puis c'est pas extraordinaire, là. Puis c'est pareil au niveau de ce qu'on appelle les experts, puis toutes ces choses-là. Puis on est réellement dans une société inconsciente. Une société inconsciente. Puis c'est un peu l'étude de ça qu'on essaie de faire. C'est un peu comme. Comment est-ce qu'on a pu définir c'est quoi quelqu'un de sain d'esprit? C'est au niveau, dans l'histoire de l'étude des pathologies mentales, c'est un peu la même chose quand on tombe dans un domaine comme par exemple l'étude de la conscience, au niveau de l'observation empirique, c'est par l'observation puis l'étude de notre inconscience que ça se fait. Puis ça, c'est autant collectif qu'individuel. Donc, c'est ça la démarche, là. Puis non, le but, c'est réellement pas de faire de l'argent. D'ailleurs, je peux pas. Guillaume Lepage, j'ai dit que la totalité des morons sont sur Twitter. Bon, ben, je dois pas en être un, étant donné que j'ai jamais été là-dessus. Mais si j'étais une personnalité publique, puis que j'étais là-dessus, puis que j'étais millionnaire, j'aurais payé pour mon petit crochet bleu. Puis c'est pas une question de principe, c'est une question de logique. Hein? Mais bon, c'est pas ce qui nous étouffe, la logique. Hein? De nos jours comme hier, puis comme ce sera sans doute demain, l'important, c'est que l'individu passe à travers tout ça, puis qu'il se préserve. Puis c'est là où il y a l'aspect pratique de ce dont on parle. On vit dans un monde où de plus en plus le manque de discernement peut être très lourd de conséquences. Très, très lourd de conséquences. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.